l'océan et la plage. Viens, on est si bien. Pourquoi partir quand le ciel et la mer sont à toi et à moi? Je pourrais t'emmener loin d'ici, toi qui rêves de pays lointains. Mais le plus beau pays est celui où je vois ton visage. Le soleil le plus chaud quand tu n'es pas là, et froid comme en hiver, mais c'est été et tu dors près de moi. On est si bien au soleil, à ne rien faire au soleil. S'endormir, rêver et s'aimer, et à s'éveiller au soleil. Viens, on est si bien. Pourquoi partir quand le ciel et la mer sont à toi et à moi? Nous vivrons tout un mois au soleil, sur le sable fin. Pour l'amour, le soleil est pareil, quel que soit le rivage.